de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gamezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Le studio de RGM est bien rempli aujourd'hui parce que nous sommes 5. Bonjour tout le monde, comment ça va? Bonjour. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter tour à tour en quelques mots à nos auditeurs? Eh bien oui, alors bonjour, moi je suis David, j'ai 20 ans et je suis aujourd'hui avec nos chers camarades Charlotte, Nathalie et Angelina. Mesdames, je vous laisse vous présenter. Donc bonjour, moi c'est Charlotte. Donc comme l'a dit David, on est bien entouré, donc avec les personnes avec lesquelles on va partir très prochainement au Canada. Voilà, pour ma part, j'ai 25 ans et je travaille dans le milieu du tourisme et j'ai toujours eu le goût des voyages. Moi c'est Angelina, j'ai 18 ans puis je participe au voyage du Québec. Entourée de bonnes personnes. Et donc moi, Nathalie Montémont, conseillère à la mission locale et référente des actions de mobilité internationale. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour parler du projet pour partir au Québec qui s'intitule « Du sapin à l'érable ». Justement, c'est quoi la mission locale ? La mission locale, donc une structure associative, comme toutes les missions locales de France, hein, on en a 4 dans les Vosges. Et donc notre mission, c'est on vise l'insertion professionnelle des jeunes. Donc c'est en tenant compte aussi du projet professionnel, de la recherche de formation, de la recherche d'emploi, et puis toutes des activités transverses qui vont, qui sont aussi importante, donc le logement, on peut intervenir par rapport au logement, par rapport à la mobilité et par rapport à des actions citoyennes. Voilà, et donc on s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire. Et pour la mission locale du Pays de Remiremont et de ses vallées, on couvre notre secteur géographique, donc qui s'étend de Pouxeux et sur les deux vallées de la Moselle et de la Moselotte, le Val de Jolles-Plombières, voilà. Et comment vous faites pour aider un jeune à trouver sa voie? Il y a des ateliers d'orientation. Alors, bon, je suis aussi référente orientation, donc c'est vraiment ma partie. L'idée, c'est de construire un peu un projet par rapport à identifier les compétences, les atouts, leurs qualités, leurs envies, leurs centres d'intérêt, leurs aspirations. Après, en complément, on a des tests d'aptitude, mais aussi après des logiciels pour découvrir des métiers. Voilà, l'idée, c'est de trouver. En fait, c'est des jeunes sont pleins de talents, mais ils ne le savent pas. Voilà, et l'idée, c'est de les mettre en relief pour qu'ils puissent avancer. Vous parlez de jeunes, mais jusqu'à quel âge on peut être inscrit à la mission locale? Alors, c'est 25 ans. C'est pour ça que pour Charlotte, il était temps. Parce qu'elle aura 26 en juillet. Donc, c'était un peu le moment où j'ai mis. Voilà, pour partir avec nous. Maintenant où j'ai mis. Et tu as découvert que tu voulais travailler dans le tourisme en passant par la mission locale ou tu savais ça depuis toujours? Alors, parce qu'après mon bac, j'aimais bien, il fallait choisir une orientation et j'aimais bien les langues et les relations, les relations avec les personnes. Et le tourisme, quelque chose qui m'a plu, enfin, je sentais que j'étais faite pour ça. Donc, du coup, j'ai postulé à des écoles par-ci, par-là. Et puis voilà, après, j'ai fait un BTS tourisme. Et ça s'est enchaîné juste après. J'ai commencé à faire des voyages après mon BTS tourisme. Je suis retournée à la mission locale parce que j'avais des petits moments où j'étais pas en emploi et je savais pas trop quoi faire. Et donc Nathalie m'avait dirigée vers le service, bien avant quand même, mais c'était après que j'étais partie vers le service volontaire européen. Et j'en ai fait un 2 mois en Grèce, à Thessalonique, dans le nord-est de la Grèce, et ça m'a bien plu. Et après ça, j'ai fait un échange de jeunes d'une semaine en Espagne sur le thème de l'environnement. Ça m'a bien plu aussi, et c'est vrai qu'il faut se lancer. J'avais peur de me lancer au début, puis après, c'est... En fait, à la mission locale, on peut très bien venir à 16 ans avec une demande, à 18, on revient avec une autre, à 20, encore une autre, jusqu'à 25, parce qu'on a... par rapport aux professionnels, on est bon, mais par exemple, par rapport à Charlotte, c'était une logique, après son BTS, de monter en compétences linguistiques en anglais. Et c'est vrai que sa première demande avait été de partir en Angleterre, mais en fait, on a on avait très peu d'offres à l'époque, et maintenant, depuis qu'il y a le Brexit, de toute façon, il n'y a plus de volontariat. Impossible. Et en revanche, les pays de l'Est de l'Europe accueillent volontiers, et là, on pratique l'anglais. Et c'est ce qui s'est passé. Elle y croyait pas trop au début quand je lui ai proposé à Charlotte, mais je lui ai dit, mais si, si, si. Et finalement, elle s'est retrouvée 2 mois en Grèce, mais sa mission, c'était de rédiger des articles en anglais. Et elle était, il y avait aussi une chose qui m'a, parce que moi, je m'enrichis beaucoup du retour des jeunes, hein, parce que je les fais partir, mais moi, je pars pas avec, en général. Et donc, elle a eu quelque chose d'exceptionnel par rapport aux autres jeunes qui sont partis, c'est qu'elle a été logée dans une maison Erasmus. Elle s'est retrouvée avec... Avec au moins 15-20 jeunes à peu près. Bon, après, ça bougeait quand même tout le temps, ça venait, ça partait, avec de toutes les nationalités, brésiliennes, portugaises, espagnoles, un petit peu de tous les horizons. Et c'est vrai que c'était bien, et du coup, oui, c'était sur les médias et les droits de l'homme, la mission. Et puis, bah voilà, un petit peu de journalisme, rédiger des articles en anglais, c'était vraiment intéressant. Et quand les jeunes, quand il y a une proposition de volontariat européen, donc sur des pays de l'Est, souvent ils vont demander 4 volontaires, mais issus de pays différents. Donc en fait, la première langue qu'ils parlent en commun, c'est l'anglais. C'est la langue universelle, l'anglais, tout le monde le parle quasiment, dans le monde entier. Sauf moi, non. Moi non plus, je vous rassure. Disons que c'est pas là où je suis la meilleure. Angelina, Charlotte et David, depuis quand est-ce que vous êtes inscrits à la mission locale? Moi, je suis inscrite depuis octobre 2022. J'ai fait les 3 jours pour s'orienter avec Nathalie. Et suite à ça, je suis partie en service civique au Val d'Ajol. Et moi, je suis inscrite depuis mes 18 ans. Parce qu'après le bac, j'avais postulé à certaines écoles, mais j'avais pas tout de suite été prise. C'est des choses qui arrivent. Et puis, du coup, voilà, j'avais une année devant moi et je cherchais quelque chose bien sûr à faire, et c'est là que Nathalie avait commencé à me parler des voyages et puis aussi du côté professionnel et ce que je pouvais faire. Et donc j'ai fait un service civique après mon bac dans une halte garderie, parce que j'avais comme projet, je voulais faire fille au père au début. Bon, ça s'est pas fait, mais peut-être un jour. Et donc voilà, puis après j'ai enchaîné petit à petit. Oh, puis parce qu'elle nous aime bien aussi. Bah, moi, je suis le petit dernier de l'équipe. Je me suis retrouvé à la mission locale en janvier 2023. Et c'est assez marrant parce que presque immédiatement, j'ai été intégré au projet Québec, presque tout de suite après mon arrivée. Donc voilà. Et puis comme moi, j'avais déjà fait mon service civique, c'est vrai que c'était un petit peu plus porté sur l'orientation professionnelle, et c'est là que j'ai eu la chance aussi de faire les 3 jours pour s'orienter avec Nathalie très récemment, qui m'ouvre pas mal de portes aussi, voilà. Vous avez tous fait du service civique, ça aide à mettre un pied dans l'emploi finalement, ça? C'est à moi de répondre. Oui, bien sûr. Oui. C'est vraiment une période de transition où le jeune va prendre son envol, il va se sentir utile, on va lui confier des responsabilités. Angelina, on lui avait vraiment recommandé parce que Angelina, voilà, elle est pleine de talent, mais elle est quand même un petit peu réservée. Et on s'est dit que oui, il fallait passer par une étape de service civique, surtout quand on se trouve en octobre. Ben, repartir sur un apprentissage, c'est un peu compliqué. Et voilà, le jour où elle va être là, elle va débarrasser complètement et pris confiance en elle. Donc là, le Québec, ça va l'aider encore plus. Et voilà, donc c'est vraiment c'est très enrichissant, le service civique. Et les missions sont toujours intéressantes, hein. C'est toujours un rapport avec la citoyenneté, enfin, c'est un engagement citoyen de toute façon. Donc oui, c'est une belle expérience, et c'est un produit purement français, le service civique. Donc on a des offres de service civique à l'international, mais on va se retrouver plutôt quelque part, entre guillemets, je dirais, ambassadeur de la culture française. Donc on se retrouve plutôt dans des établissements d'enseignement, dans des bibliothèques, voilà, des structures qui représentent l'institution. Chris a fait service civique ici, au milieu associatif. Oui, et je crois qu'il était passé aussi par la période d'orientation. Et c'était son idée. Et oui, c'est un des beaux parcours. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler d'un voyage au Québec. À tout de suite sur Radio Gameuzo. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux d'étang sont violentes et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciels. Va pour les temps, tes neiges éternelles. J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule, où des bras me serrent. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe ma place, qu'importe l'endroit. Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Le feu du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des chameaux, des mirages et des déserts en boutant. Des caravanes et des voyages comme sur les dépliants. Va pour tes cocotiers, tes rivages. Va pour tes lacs où tout le balançant. J'habite tout l'amour est un village là où l'on m'attend. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. En tes cliquets, tes claques, tes rêves et ta vie. Tes mots, tes tabernacles et ta langue d'ici. Compléter la poudre et la fille de l'air. Montre-moi tes items, montre-moi tes enfers. Tes nord et puis tes sud et tes est et d'ouest. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Nathalie, Angelina, Charlotte et David. Nathalie, est-ce que vous pouvez nous parler d'une certaine Nicole ? La mission locale a pu se positionner, répondre à un appel à projet déposé par l'Office franco-québécois pour la jeunesse, donc pour faire partir un groupe de jeunes. Donc on a remporté, on a été choisis. Donc c'est très bien et ça nous apportait 70% du financement. Et il reste donc 30% du financement à trouver. Donc pour ça, donc ce sont les jeunes qui s'impliquent par l'intermédiaire. Donc ils font plein d'actions par l'intermédiaire donc de l'association Aide aux voyageurs qui est donc dirigée par Nicole Gury. Donc voilà notre chère Nicole, donc est vraiment quelqu'un d'adorable, d'investi depuis 10 ans pour aider les jeunes à partir. Donc c'est une toute petite association qu'elle a constituée avec sa fille et son mari. Et depuis 10 ans, ils vendent sur les marchés de Noël, ils tiennent un stand, voilà. Et tous ces petits sous qu'ils récupèrent, donc voilà, ils complètent quand un jeune a une demande pour... alors pas seulement pour les jeunes de la mission locale, au départ c'est plus pour des jeunes qui veulent partir au pair ou bien faire des études et qui ont... besoin d'aide au financement. Et donc c'est quelqu'un vraiment que j'admire beaucoup et qui est persévérante, on va dire. Et donc c'est la personne voilà à laquelle on a pensé pour aider nos jeunes dans leurs actions, parce que forcément quand les jeunes font des actions, alors ils vous expliqueront ce qu'ils ont fait, on a besoin d'une association intermédiaire pour la trésorerie. On peut pas encaisser ça au niveau de la mission locale, faut que ce soit quelque chose de très indépendant. Et en fait Nicole a joué le jeu, elle a dit OK. Et du coup, elle se retrouve à faire plein de choses qu'elle ne faisait pas avant. Donc, on la bouscule un petit peu, en fait, hein, Voilà, donc peut-être si vous voulez parler des actions que vous faites. Moi, avant toute chose, avant de parler de nos actions, on souhaiterait, je pense, au nom de toute notre équipe, parce qu'on n'est pas au complet, remercier Nicole Gurie, voilà, pour tout ce qu'elle fait pour nous. Cher Charlotte, veux-tu parler de nos actions ? Alors, oui, bien sûr. Donc, la première action qu'on avait faite, c'était... on a fait, bon, voilà, plusieurs actions. Et la première, donc, on a commencé... En février. En février, oui, voilà. C'était la vente de jus de pomme. Ah oui, donc voilà, on a commencé par la vente de jus de pomme. Et puis, artisanal, voilà. Des pommes qui venaient des Vosges. Et puis, donc, Nicole, Madame Gurie nous a aidé gentiment pour le jus de pomme, etc. Provisionner. Voilà, voilà. Et puis après, bon, on a vendu tout ça et ça a bien marché. Ensuite, on a fait aussi une tombola. Ouais. Voilà, une tombola, ouais, donc c'était... avec beaucoup de super lots à gagner. Et là, on s'est beaucoup, il y a eu beaucoup d'investissements. Tous les jeunes de notre groupe ont trouvé des super lots dans les commerces, etc., que les participants ont pu gagner. Et puis après, il y avait aussi le carnaval vénitien. Donc on était bénévoles fin mars, chacun nous tour au carnaval vénitien pour les places de, comment dire, on aidait les gens, on informait les gens. Voilà, on informait les gens, on s'occupait du parking. Puis, oui, voilà, au niveau du parking. Tout ça aussi grâce à Madame Gurie, Nicole. Voilà. Et puis, là, prochainement, on va faire un vide-grenier, le 14 mai, à Saint-Amy. Voilà, où on tiendra un stand, et puis, pareil, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, son petit lot d'articles à vendre, tout le monde se cotise un petit peu. Et puis, en tout dernier recours, on a ouvert une cagnotte. Litchi, qui s'appelle du sapin à l'érable, voilà, qui est disponible sur toutes nos pages de réseaux sociaux, aussi bien Facebook qu'Instagram. Voilà, on peut facilement trouver le lien avec toutes les explications sur notre projet si les gens sont intéressés. Et je pense qu'il est possible de trouver des flyers aussi petit peu partout. Oui, voilà, c'est ça. Vous pouvez trouver donc quelques flyers dans certains commerces. Hein, voilà, si ça vaut le coup d'œil. Et comme par exemple au Leclerc, dans certains petits commerces, bon voilà, des environs. Si vous avez envie de donner 5 euros, c'est toujours 5 euros. Ça s'accumule et ça ferait... Voilà, parce qu'il nous manque encore un petit peu. Alors, je voudrais quand même mettre en lumière aussi une activité qui n'est pas finie, parce que j'ai une de mes collègues qui gère l'association Randonnette. Donc, c'est une association qui va récolter des déchets sur les sentiers et qui les transforme, en fait. Ils font des magnifiques roses en métal. Donc, là, les jeunes ont pu faire une sortie. Et ils ont commencé à fabriquer des roses en métal, donc qui seront à vendre sur le site de Randonnette. Voilà, très sympathique. Et puis, c'est un bon geste aussi pour l'écologie, hein, rappelons-le, qui est notre principal centre d'intérêt à tous. Donc voilà, on remercie aussi beaucoup Marine et Randonnette. Pourquoi ce nom du sapin à l'érable ? Ah, alors je crois que chez nous il y a des sapins et je crois qu'au Québec il y a des érables, donc c'est pour ça. Alors c'est venu en fait, donc le projet s'écrivait sur 2 ans, donc nous sommes déjà partis l'année dernière, donc on avait eu la chance, hein, d'être sélectionnés. Alors bon, je le signale quand même, seule mission locale de France et seule structure du Grand Est. Donc on avait bâti un projet éco-citoyen. C'est les jeunes, on avait réuni des jeunes, il y en avait 7 qui étaient intéressés, qui ont avancé, voilà, envie d'agir. La thématique, c'était quand même l'environnement, voir comment les jeunes au Québec réagissent, s'investissent de cette problématique internationale. Et voilà, donc après, c'est eux qui ont aussi choisi le titre. C'est eux qui avaient fait aussi le logo, avec un de mes collègues, hein, qui est... un expert de la com et du graphisme, donc Maxime. Donc voilà, du sapin à l'érable, ça nous a paru vraiment un bon titre que tout le monde a voté pour. Tout ça, ça s'est fait vraiment... Ce qui est né l'année dernière, c'était vraiment le fruit donc des idées des jeunes. Cette année, c'est un peu du copier-coller. On change des petites choses, mais c'est vrai que pour les jeunes qui sont investis, les 7 jeunes qui partiront avec nous cette année, c'est plus quelque chose déjà. Il y a des choses qui sont faites quoi. Et ils reprennent du coup du sapin à l'érable parce que nous, on a un projet avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse qui s'écrit sur 2 ans, mais le titre, c'est bien le même. Et comment ça se met en place un tel événement? Comment vous avez fait pour correspondre avec les Québécois pour faire ça? C'était une des contraintes pour répondre à l'appel à projet. Il fallait trouver un homologue mission locale là-bas. Donc, on a essayé de prospecter. On a découvert que ça s'appelait des Carrefours Jeunesse Emploi, alors qu'ils s'occupent de jeunes de 16 à 35 ans. On est jeunes plus longtemps là-bas. ça doit être le froid qui conserve. Et en revanche, ils s'occupent, c'est pas tout à fait des missions locales, bien sûr. La jeunesse, ils interviennent également dans les écoles, que nous, c'est strictement sorti du système scolaire. Voilà. Et on a trouvé, donc, le Carrefour Jeunesse Emploi, Carrefour Jeunesse Emploi de Magog. Alors, Magog et sa banlieue, ça s'appelle Memphrey Magog. On a dû faire noter quelques fois, les premières fois où on a entendu ce nom-là avec l'accent québécois, parce que là, on comprenait rien du tout. On s'est dit, qu'est-ce que c'est de Memphrey Magog? Et ils sont, ça a été une rencontre formidable. Voilà. Donc c'est eux en fait qui on leur a expliqué ce que les jeunes attendaient et ils nous ont concocté un petit programme pour se rendre utile là-bas, faire du volontariat, entretenir le sentier qui traverse le Canada, donc repiquer des arbustes, éclaircir. Là, ils nous ont aussi sollicité pour cette année, ce sera une petite différence, pour lutter contre des plantes invasives. Alors nous, on a la renouée du Japon. Eux, ça s'appelle l'activité de contrôle du nerprom. Donc je ne sais pas ce que c'est. Une plante exotique envahissante. Voilà. Donc la mission, arracher, déraciner ou couper des plantes qui poussent dans le sous-bois forestier. Voilà. Et comment est financé ce projet de partir au Québec? Eh ben là, 70% par l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse. En fait, ils misent sur la jeunesse pour être ambassadeur du Québec, parce que ils sont vraiment à une période de plein emploi. Ils cherchent à faire venir plein de Français. Il y a quand même des accords. Et puis, ça s'appelle pas Office franco-québécois pour la jeunesse pour rien. Mais c'est vraiment, ils n'attendent pas de nous que les 7 jeunes signent un contrat de travail là-bas. Non, on est plus sur que ces jeunes soient ambassadeurs auprès de 3 jeunes. Après, l'année dernière, il y avait 6 jeunes qui sont partis. Il y en a 2 qui espèrent quand même pouvoir travailler là-bas par la suite. Mm-hmm. Ça fait rêver. Là, ce sera peut-être 7 sur 7. Et comment est-ce que vous avez sélectionné les jeunes qui vont aller au Québec? Ça, c'était compliqué. Non, l'année dernière, on n'a pas eu de soucis parce qu'on a proposé à des jeunes qui avaient déjà une expérience de vie collective, donc étaient déjà partis sur des chantiers de rénovation du patrimoine ou qui avaient fait un petit volontariat européen. Donc, ça n'avait pas ouvert à tous les jeunes de la mission locale. Et en fait, on en avait 7 au départ. Malheureusement, il n'y en a que 6 qui sont partis. La 7e n'a pas pu partir. C'était vraiment de notre faute parce qu'en fait, elle n'avait pas un passeport français. Et il fallait pas une simple AVE, autorisation de voyage électronique pour elle, qui se demande 10 jours avant. Mais il fallait un visa. Donc, on a fait une erreur de débutant et elle n'a pas pu venir. Alors pour cette année, donc avec ma collègue Inès, donc on est 2 conseillères à être investies dans ce projet-là, et donc à partir avec les jeunes au Québec. Avec Inès, on a ouvert, fort de notre expérience, on a ouvert le voyage au Québec à tous les jeunes de la mission locale. Et à la première réunion, on s'est retrouvés avec 13 jeunes, et on s'est dit « Oh là là là là !» Comment on va faire? Parce qu'on n'a pas le budget pour emmener plus. C'était 7 maximum. Et en fait, je crois que la vie est bien faite. S'il y a eu des désistements parce que il fallait la vaccination, on l'imposait, ne sachant pas ce qui nous attendait au mois de juin. On a eu des désistements parce que des jeunes avaient des propositions de travail et ils pouvaient pas s'engager, être disponibles au mois de juin. Donc, ça s'est fait sans qu'on ait eu à choisir et c'est très très bien pour nous parce qu'on avait 13 jeunes motivés et on aurait été vraiment, vraiment dans l'embarras. C'était vraiment frustrant pour nous d'en écarter. Donc on a 7 jeunes. Alors ils sont pas tous là aujourd'hui parce que il y en a qui sont notamment à présenter un petit jeu sur les Sibériades à Épinal. Et puis d'autres qui travaillent. Alors, je suppose que vous êtes tous sensibles à l'écologie pour participer à ce projet. Oui, bien sûr, oui, c'est sûr. Personnellement, moi, oui, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. Pour moi, c'est normal l'environnement, de respecter la nature, etc. Même déjà ici dans les Vosges, on a déjà aussi une belle région ici. Ça m'a toujours plu. Et puis, c'est l'avenir aussi, l'environnement, d'en prendre soin et pour que dans les futures années il y ait de l'amélioration dans le niveau de l'environnement. Il y a beaucoup de similitudes entre la région de Magog qui nous accueille et la nôtre. Donc c'est l'idée aussi, c'est de découvrir quelles actions ils font eux pour l'environnement. Et on attend quand même la réciproque de l'érable au sapin pour 2024. Oui, c'est vrai qu'on les attend. Avec impatience. Mais oui, on accorde beaucoup d'importance à l'écologie, surtout à notre avenir en fait, à l'avenir de notre planète. Voilà. Est-ce que pour vous, écologie et climat, ça peut aller ensemble ou pas? Si on est plus écolo, est-ce qu'au niveau du climat, ça peut s'améliorer? Question philosophique du jour, vous avez 4 heures. Ah bien évidemment, je pense que c'est la question que malheureusement trop peu de gens se posent. C'est la phrase qu'on entend plus souvent, c'est « à mon échelle, je ne peux rien faire ». Je vais pas m'embêter parce qu'à mon échelle, ça ne change rien. Sauf que si tout le monde a cette réflexion, c'est sûr que les choses n'avancent pas. Même une petite action, rien que faire le tri chez soi, c'est déjà faire un pas pour sauver notre planète et ralentir en tout cas le réchauffement climatique. Parce que je pense qu'il est un peu tard pour l'inverser. Mais au moins le ralentir. Mais je suis entièrement d'accord avec David. Enfin, c'est par les petits gestes que si tout le monde fait un petit geste, ça peut faire des belles choses. À 8 milliards d'habitants sur la planète, si tout le monde fait un petit geste de temps en temps, je pense que c'est déjà pas mal. Sur tous les jeunes qui partent, vous disiez qu'il y en avait certains qui aimeraient bien travailler au Québec. Est-ce que vous en faites partie, tous les trois? Plus que moi, en tout cas. Oui. Pour ma part, le Québec, c'est un rêve d'enfant. Partir là-bas, c'était, je crois, le but ultime de ma vie. Et finalement, c'est un des premiers projets que je réalise depuis que je suis adulte. Ce qui est très récent, hein. Mais j'espère en tout cas que c'est juste le début d'une belle aventure avec le Québec. D'accord. Et toi, Angelina, tu prévois de rester là-bas aussi? De base, j'ai pas vraiment envie de travailler là-bas, mais après, on sait jamais ce qui peut arriver là-bas. Il peut y avoir un truc qui ferait que j'aurais envie d'y retourner, connaître un peu plus leur culture. Et juste pour ma part, j'aimerais bien rajouter aussi, au niveau du travail au Canada, j'ai toujours été, attirée par le continent nord-américain, que ce soit le Canada ou l'autre partie. Et je pense que le fait, déjà, c'est pour moi, je pense que ça, enfin, même pour tout le monde, mais ça sera un avant-goût et ça peut ouvrir le fait d'être dans une mission locale. CJE. Ça peut ouvrir des portes et puis, enfin, même si c'est sûr que, d'autres horizons et puis plus tard, pourquoi pas changer de pays et puis aller travailler là-bas. Changer de vie. Chez nos homologues au CJE, il y a une personne, une conseillère qui est dédiée à l'accueil des nouveaux. Donc c'est un peu opération séduction pour un jeune qui voudrait s'installer. Ils essaient de le happer en montrant, en leur faisant visiter, en leur recommandant des logements. Ils font tout. Alors je parle même pas de la recherche d'emploi parce que en fait là-bas tout

toi, pris dans vieux chêne, et qu'on parle à la race humaine, l'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil. Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Mais si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau, servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de l'abîmale, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Nathalie qui est accompagnée de Angelina, Charlotte et David. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Radio Line ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Angelina, Charlotte et David, qu'est-ce que vous attendez de ce voyage au Québec? Moi j'attends du voyage déjà l'expérience formidable qu'on va vivre, puis en plus... Moi, j'ai très peu voyagé et là, ça aide d'être quand même entouré de personnes. Puis aussi, le Canada, c'est un beau pays. Ils sont très respectueux de l'environnement. Ils ont des paysages magnifiques. Puis ça apporte aussi pas mal d'expérience. C'est pas quelque chose qu'on peut faire assez souvent. Surtout à notre âge, partir là-bas, c'est fantastique. Et pour ma part, j'attends juste d'être encore plus enrichie avec ce nouveau super beau voyage. Et puis rencontrer d'autres personnes, surtout le côté voir des beaux paysages, partager des moments avec les personnes avec qui on va partir et puis aussi les Québécois. Et apprendre de nouvelles choses. J'aime toujours apprendre plein de choses. Je suis curieuse d'apprendre. Donc, vraiment apprendre et puis être enrichi. C'est une nouvelle expérience, nouvelle aventure. Et toi, David? Moi, je suis un éternel optimiste. J'ai un peu tendance à m'émerveiller de tout ce qui se passe autour de moi. Et simplement le fait d'observer le ciel me suffit à refaire toute ma journée, à être plein d'espoir. Donc j'attends qu'une seule chose, c'est de voir ce que ça peut faire de l'observer depuis l'autre bout du monde, presque. Voilà, je sais pertinemment bien que d'une manière ou d'une autre, ce voyage améliorera encore ma vision de notre belle planète. C'est tout ce que je demande. Voilà. Mmh. Il y a un décalage horaire, non, par rapport à chez nous, au Québec? Oui, dans un sens, il passe bien, dans l'autre, moins. On doit être à 6 heures de décalage. Oui, 6 heures. Par rapport aux attentes, je pense que les jeunes sont pas forcément conscients tout de suite, mais en fait, ce voyage, c'est que des défis. Alors, ça peut être physique quand on va faire l'ascension du Mont-Fort, ça va être des défis pour le vertige par rapport à la passerelle qu'on va de Coaticook, qui est une des plus grandes du monde. C'est une passerelle suspendue. On va être aussi dans cette solidarité qui vient directement de l'expérience d'une vie collective. On va être tous dans la même galère parce qu'il faut pas croire. On croit qu'on a tout prévu, mais non. Il y en a toujours un qui se fait coincer à la douane. Il y en a toujours un, ça marche pas au niveau de son ticket. Il faut le métro, voilà. On a besoin de s'entraider en fait à longueur de temps. Et cette expérience de vie collective, elle est extrêmement enrichissante. Donc le défi est l'expérience collective, seront très riches. Justement, Angelina, Charlotte et David, est-ce que vous pensez que ce voyage sera bénéfique pour votre recherche d'emploi? Je dirais pas oui, je dirais pas non. Nathalie nous a souvent répété que ce serait le cas. Mais voilà, après je ne m'avance pas là-dessus, mais je pense en tout cas que ce sera un apport. Dans tous les cas, ça ne serait que bénéfique. on peut que apprendre des choses en allant là-bas. Alors oui, je pense aussi que ça peut être que bénéfique. Et puis, on peut, comment dire, pour un futur employeur après cette nouvelle expérience, c'est toujours gratifiant d'avoir ça. Ça en plus, ça se voit que, enfin, on voit au-delà de voyager que bah, le jeune, il est curieux de, comment dire, d'apprendre de nouvelles choses et puis aller au-dessus de ses limites et puis voilà, ne pas avoir peur d'y aller. Sans compter que voilà. Si ça se trouve, l'employeur sera déjà au Québec si l'un d'entre nous décide de retourner là-bas. C'est possible. Oui, pour moi, c'est bénéfique parce que bah, déjà, on va apprendre de nouvelles choses, des choses qu'on ferait certainement pas ici. Puis, bah, c'est une belle expérience. On en sortira toujours, on va en ressortir avec plus de connaissances. C'est aussi l'ouverture interculturelle, c'est ça, cette ouverture à d'autres hein, qui est bénéfique, la montée de la confiance en soi. Et sur un CV, donc il faut pas oublier qu'un employeur, il y a toujours quand il y a des voyages comme ça, surtout avec un engagement, finalement ils sont bénévoles, ça a tout de suite des connotations d'autonomie, d'adaptabilité. En fait, c'est des savoir-être qu'on cherche en entreprise. Donc forcément, voilà. Alors David disait, Nathalie nous le dit depuis le début, oui, bah c'est l'expérience qui fait ça. Et donc il y a aussi des chiffres. Hein, je le dis, je le répète. Il y a des premiers chiffres qui sont tombés au niveau des expériences de mobilité internationale. Et donc, les jeunes qui bénéficieraient d'une expérience de mobilité rentreraient 6 fois plus vite sur le marché du travail que les autres. Mais je pense que c'est l'envie d'aller de l'avant, c'est la mobilisation, c'est la mise en mouvement. Et puis, relever des défis, ben, on prend conscience que dans un autre défi, on y arrivera puisqu'on a réussi à en faire un. Ben, on en passera 2 et 3 et voilà. Vous allez peut-être vous découvrir des qualités que vous pensiez pas avoir aussi via ce voyage. Oh bah sûrement, de toute façon, je pense que c'est une expérience, comme le disait Nathalie, qui est pleine de défis, donc forcément qui mène à la découverte de soi. Hein. Oui, c'est sûr, on va se découvrir aussi voilà, au fur et à mesure, et puis faire plein de belles choses et ben, des défis. Et puis apprendre encore voilà, plus sur soi et savoir qu'on peut faire... Bah, on est capable de faire plein de belles choses et voilà. Est-ce que c'est la première fois que vous vous rendez à l'étranger tous les trois ? Alors non, moi c'est pas la première fois. Je suis déjà partie... alors avant ça, quand j'étais au BTS, au BTS Tourisme, j'étais partie une semaine en voyage d'études à Stockholm, en Suède. C'était super bien. J'ai vraiment bien aimé. Là-bas, tous les gens sont respectueux. Puis bon, c'est plein de belles choses à voir. Et après, bah, j'étais retournée donc à la mission locale après mon BTS Tourisme. Et j'étais partie grâce à Nathalie et l'association Parcours le Monde à Nancy. Voilà, j'étais partie 2 mois faire un service volontaire européen en Grèce. Et après, quelques temps après, j'étais repartie une semaine faire un échange de jeunes sur le thème de l'environnement en Espagne, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Une semaine, et c'était vraiment, vraiment bien. Alors, bon, moi, j'étais tout petit à ce moment-là, mais j'ai vécu 2 ans à Madagascar. J'ai peu de souvenirs, mais... De ce que je sais, de ce dont je me souviens, c'est vrai que c'était une très très belle expérience. Je suis parti en Italie, bon un petit peu en Allemagne, tout ça, mais voilà, j'ai pas beaucoup plus... Je suis plus parti en France qu'à l'étranger, en tout cas. Et toi, Angelina ? Bah, moi, j'ai très peu voyagé. Je suis sortie qu'une fois de la France, puis bah, après, je suis née en Normandie, du coup, on était plus à rester sur le bord de mer et tout. Puis du coup, à un moment, on a tout abandonné, on est venu dans les Vosges, un peu les mains dans les poches, puis c'était l'aventure. Est-ce que tu as une certaine appréhension de prendre l'avion ou pas ? Oui, mais ce qui me rassure d'un côté, c'est que bah, je suis pas toute seule, je suis avec d'autres personnes. Puis bah, comme Nathalie a dit, c'est un défi, on est là tous ensemble, voilà. Mm-hmm. On est une équipe. Et d'avoir fait des actions pour récolter un petit peu de fonds, ça, ils commencent à se connaître. Ah bah c'est sûr que ça rapproche, hein, on se fait des copains, on devient une vraie petite équipe, c'est super. C'est vrai que ça rapproche, comme dit David, et que, bah, ça, enfin voilà, c'est là que la cohésion se forme. Ouais, bah, c'est clair. Puis on rigole bien en réunion après, quand même, c'est ça. Ça change du début, hein, on voit l'évolution depuis le début de cette aventure, quand même. Vous avez aussi un petit financement par une cagnotte en ligne. Comment est-ce qu'on peut participer, nous, si on veut vous aider ? Alors, vous pouvez trouver des liens, comme je le disais précédemment, sur nos pages Instagram et Facebook. Donc le lien est mis directement dans la bio. Sinon, on fait un petit peu de distribution de flyers avec un petit QR code à scanner. Bon, pour ceux qui passent par la mission locale, il y a un petit écran avec le QR code, des petits flyers. Sinon, on passe beaucoup par les réseaux sociaux. Et puis, évidemment, bah, par le bouche à oreille, hein, c'est ce qu'il y a de plus efficace en général. Et comme on le disait, même 5 euros, 2 euros, on prend n'importe quel type de don pourvu que les gens aient envie de nous aider. Voilà. C'est un projet qui est très intéressant et qui est même expliqué directement sur le lien de la cagnotte. Cagnotte, on rappelle, hein, du sapin à l'érable. Du sapin à l'érable, voilà, mais... C'est de toute façon, c'est taper du sapin à l'érable sur n'importe quel réseau social et vous nous trouverez. Et c'est quoi vos futurs projets après ce voyage à tous les trois? La grande question. Bah, moi, personnel, bon, ou professionnel? Oui, bon, on parle professionnel. Alors moi, j'ai comme projet, bah, je vais retravailler encore dans le tourisme, c'est sûr, mais j'aimerais bien revoyager après par la suite. Mais bon, après, c'est professionnel et personnel quand même, et je peux quand même en parler, parce que c'est intéressant. Avec mon compagnon qui travaille dans l'apiculture, on a comme projet de... faire des saisons déjà en France dans le tourisme et puis partir dans un gros camion aménagé. C'est un super projet, donc on commence seulement à l'aménager. La van life. Exactement. Ça fait rêver. C'est pas un van, mais c'est vraiment, vraiment un beau, voilà, un gros camion, il y aura de la place et puis c'est un beau projet aussi, un défi personnel. Et donc on veut faire des saisons, moi dans le tourisme et lui en apiculture déjà en France. Et puis par la suite, aller ailleurs en Europe, et puis voilà, découvrir des belles choses. Et puis pourquoi pas installer des rames sur le camion pour traverser l'Atlantique Pourquoi pas, par la suite, oui, peut-être, c'est possible. Une vie de nomade alors? Exactement, c'est ça, bah, j'ai toujours bien aimé, moi, la liberté, etc. Bon, toujours des contraintes quand même, hein, mais des imprévus au fil du voyage, mais la liberté, le fait de s'arrêter comme ça, puis voir des beaux paysages, et puis... Puis voilà, ce sera pas non plus des vacances, hein, mais un petit peu parfois, mais voilà. C'est... Vous pourrez faire du woofing aussi. Oui, parce aussi. Il y a plein oui. de dispositifs aussi, hein, quand même aussi. Pour partir. Ça peut être une idée aussi. Et toi, David? Alors moi, grâce à notre chère Nathalie, j'ai. Ils sont gentils avec moi aujourd'hui. J'ai trouvé. La solution du dispositif Sésame, qui aide les jeunes à passer le BAFA et ensuite à développer un projet donc de BPJEPS ou CPJEPS, voilà, donc pour travailler dans l'animation ou le sport, voilà. Donc c'est un projet très intéressant étant donné que j'avais déjà fait mon service civique dans un club de tennis. Donc, je travaillais beaucoup avec les enfants dans le sport, c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Et en parallèle, donc intégrer les sapeurs-pompiers volontaires. Voilà, toujours dans le but d'aider les autres. Après, voilà, bon, j'ai un peu tendance à aimer voyager, à prendre la vie au jour le jour, donc je prendrai toutes les opportunités qui viendront à moi de voyager, voir le monde, et toujours être en mouvement. D'accord. Et toi, Angelina? Bah, moi, au retour du voyage, je vais essayer de trouver du travail. Je ne sais pas encore en quoi, même si mon service civique m'aide pas mal. Tu vas peut-être trouver ta voie là-bas aussi, au Québec? Oui, aussi. Ou alors elle reviendra me voir. C'est quoi les futurs projets de la mission locale, Nathalie? Ah, bah pour l'instant, je me calme un peu parce qu'on finalise le Québec et voilà, on a encore des démarches administratives à faire. Et on part du 5 au 15 juin, donc et après il y aura le bilan sur ce séjour et il y aura un bilan sur les deux années. Et en ce moment même, on a donc deux conseillers qui sont en mobilité en Belgique. Donc c'est possible aussi pour par le biais de l'Union européenne de faire partir des professionnels de l'enseignement et de l'éducation et de l'insertion professionnelle. Donc là ils sont en cours de mobilité, donc ça me fait quand même deux gros dossiers. Je vais peut-être attendre pour me projeter dans un nouveau, parce que bon, on espère après toujours enfin, la mobilité des conseillers, c'est une chose, mais ça va être pérennisé quelque part. Là, j'ai des super bons retours des Belges, ils ont envie de venir chez nous. On aura aussi à prévoir l'accueil des Québécois, ça prend beaucoup de temps. Et moi, dans mon temps de travail, c'est pas forcément... c'est une toute petite part de mon travail. Donc, je suis principalement conseillère orientation et sur les communes de Rue et Ferdru. Donc c'est vraiment plus de la passion que je développe. Et si, on a aussi le projet avec Rempart, j'ai un très bon partenariat et on a un groupe, ils acceptent de financer un départ de, pour un groupe de jeunes. On sera au château de Berzy-le-Sec, donc c'est en France, et c'est pour faire, alors là, pour travailler, donc en, toujours bénévolement, mais pour la reconstruction des murets qui longent le chemin d'accès à Berzy. Donc les jeunes vont faire de la taille de pierre, un peu de mortier, ils iront avant choisir les pierres dans les carrières. Et les après-midi, nous ferons des tuiles, donc voilà, ce sera de la... en terre cuite. Donc ça, c'est déjà pour cette année. Après, pour l'année prochaine, plutôt accueillir. Et puis, bon, moi, dans l'idée, c'est vrai que j'aimerais bien faire un chantier de solidarité internationale, mais les fonds seront plus compliqués à trouver. En tout cas, voilà, faudra que je m'y mette. Puis j'espère que pour le Québec, ça va pouvoir... ils vont redéposer d'autres appels à projets et j'y répondrai forcément. D'accord. Mais après, ce sera pas forcément nouveau. Moi, j'aime bien la nouveauté aussi. Une fois que c'est fait, voilà, c'est fait, ça va être pérennisé. Mais en nouveauté, vraiment, je sais pas. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à tous les quatre ? De nouvelles expériences positives et puis du positif, de la réussite, du positif, de l'évolution et puis voilà, toujours continuer dans l'optique de s'entraider et puis le partage dans la vie de tous les jours. Après, bon, voilà, chacun, c'est mon opinion, mais voilà, une belle évolution professionnelle et puis pour tous les autres domaines aussi. Moi, personnellement, je nous souhaiterais de continuer comme ça, de revenir et puis d'être les porte-parole de notre génération et de l'écologie qui nous concerne tous. Moi, je nous souhaite, comme a dit Charlotte, du positif, que du bon dans la vie. Et puis, voilà, je pense que ça donnera envie aux autres jeunes, plus jeunes que nous, même, voilà, à tous les âges, de envie de voyager, et puis voilà. Et j'ai reçu ce matin la mise à jour, donc, des offres à l'international, service civique ou volontariat européen, en court ou en long. C'est un lien où toutes les associations de la région mettent en ligne leurs offres. Il y en a 120, donc j'attends tous ceux qui ont envie de partir, tous les jeunes qui ont envie de partir. Mais c'est vrai que plus on parle de mobilité, plus ça va se savoir et plus les jeunes vont oser passer le cap. Cette émission est maintenant terminée. Nathalie, Charlotte, David et Angelina, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Est-ce que je peux... Oui, bien sûr. Et je souhaiterais juste rajouter quelque chose pour cette fin d'émission. J'aimerais juste faire une petite dédicace pour mes parents qui me soutiennent pour le projet, qui trouvent que c'est super bien. Bon, comme tous les parents des jeunes parmi nous, voilà. Certainement. Et puis mon compagnon aussi, qui s'appelle Lucas. Voilà. Merci de nous avoir reçus. Charlotte passe également un petit coucou à Mathilde, à tous ses amis et à sa famille. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une petite dédicace à passer ? Ah oui, alors salut Emma, Julien, Léandre et Manon qui ne sont pas avec nous. Et Inès. Inès, bien sûr. Inès, notre conseillère préférée après Nathalie, à égalité, voilà. On vous adore. Et toi Angelina, tu as un petit message à faire passer ? Merci déjà à tous ceux qui nous soutiennent, puis ceux qui nous aident à faire nos actions, parce que sans eux, on aurait du mal à partir, déjà. Alors, je vais faire la mienne aussi, parce qu'on a parlé des financeurs, mais moi, je voudrais quand même remercier la mission locale, parce qu'il y a très peu de missions locales qui donnent la possibilité de... Enfin, qui donnent le feu vert pour aller sur des actions comme ça. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous pourrez partir au Québec, et vous pourrez nous en parler aussi quand vous reviendrez. Mais avec plaisir. Avec plaisir, oui. Auditeurs et auditrices, vous pouvez les aider à réaliser ce projet via une cagnotte mise en ligne. Je vous redonnerai toutes ces infos via tous nos réseaux sociaux et sur le podcast de cette émission. On se retrouvera très prochainement sur nos ondes. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.